الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، donc إن شاء الله on va terminer ce cours qui on espère d'Allah soit bénéfique pour nous tous. Donc puis l'auteur dit حفظه الله تعالى الشيخ علي الحدادي حفظه الله تعالى. رابعا quatrièmement الإيمان بالرسل la foi aux messagers. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Les adeptes de la sunna ont la conviction, la croyance, la foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé vers ses créatures des messagers comme annonciateurs et avertisseurs pour pas que les gens aient une quelconque excuse, un quelconque argument à l'encontre d'Allah après l'envoi des messagers. Et Allah, il est le Tout-Puissant et le Sage. Wa hum bashar, et ce sont des humains. Naam, il est bien connu que les prophètes et messagers sont issus, sont choisis et élus par Allah tabaraka wa ta'ala parmi les humains. Il n'y a pas de prophète et de messager chez les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers chez les humains. Et ces prophètes et messagers, avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, peuvent apporter la bonne annonce, à être annonciateurs et avertisseurs aussi pour les djinns. Mais ils sont issus des humains. Et les prophètes et les messagers sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes prophètes. Ce ne sont que des hommes. Donc, ce sont des humains. وَهُمْ بَشَرٌ مَخْلُقُونَ. Et ils sont issus des humains. Et ce sont des créatures. Ils ont été créés. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ. Ils n'ont aucun acte qui les pourrait les caractériser, faire d'eux des seigneurs. Ils n'ont rien en eux qui feraient d'eux des seigneurs. Ce sont des créatures et des humains. Et un point important, un rappel. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire de lui qu'il est Abdullahi wa Rasulu, le serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah et son messager. Le premier, Abdullah. Innama ana bashar, je ne suis qu'un humain, mithlukum, comme vous. Et vous entendez des soufis parmi les chants qu'ils font, ils disent Muhammadun basharun wa laysa kal bashar. Muhammad est un humain, mais il n'est pas comme les humains. Et Allah dit dans le Coran Qul innama ana basharun mithlukum. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, une créature. Il m'arrive ce qu'il vous arrive. Tout ce qui arrive à un humain. Et ceci, c'est pour fermer la porte à ceux qui ont de l'excès et de l'exagération. Et qui dépassent les limites des éloges permises. Donc c'est un rappel. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, un adorateur d'Allah, un humain semblable à vous. وَرَسُولُهُ. Ça, c'est pour fermer la porte à l'autre extrême. Ceux qui sont dans le dénigrement, dans le laxisme, qui oublient la place du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui le différencie, c'est que lui, il est l'élu d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il est prophète, et il est messager, et il reçoit la révélation. Et voilà le chemin de la droiture et le juste milieu. Loin de toute forme d'extrême. Ni chez ceux qui ont de l'excès, ni chez ceux qui ont du relâchement et du laxisme. D'un côté, il est le serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah, un humain parmi les humains, et de l'autre, il a été élevé et élu par Allah tabaraka wa ta'ala comme prophète et messager, et ça suffit comme éloge et comme grande place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. أمر الله سيدهم وخيرهم أن يقول. الله تبارك وتعالى a demandé, a ordonné au maître des prophètes et des messagers et le meilleur d'entre eux, qui est le dernier et le sceau des prophètes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Dans le sens du verset, je ne possède pour moi-même, je ne possède pour ma propre personne ni bien ni mal. Je ne peux ni lui apporter un bien ni repousser un mal qui viendra la toucher, sauf si Allah le veut, si Allah le décide, subhanahu. Donc il ne peut faire que ce qu'Allah veut, tabaraka wa ta'ala. Donc pour sa propre personne, Allah dit à son prophète de dire inni la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah wa an yaqul qul inni la amliku lakum darran wa la rashada qul inni lan yujirani min Allah ahad وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Et Allah lui dit aussi de dire, dans le sens du verset, dit, certes, je ne possède pour vous ni mal ni bien. Je ne peux pas repousser le mal qui viendra vous toucher, ni vous apporter un bien. Là, ici, dans le verset, c'est plutôt la guider. Je ne peux pas vous guider, vous amener la guider. Dit, personne ne pourra me secourir. Personne ne pourra me venir en aide, me donner refuge, asile à l'encontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah, tabaraka wa ta'ala, veut une chose pour moi, aucun d'entre vous ne pourra m'aider contre Allah, tabaraka wa ta'ala. Fahum ibadullah. Ils sont les esclaves, les serviteurs, les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Akramahum Allah bil wahi wa ijtabahum bin nubuwati wa risala. Allah les a honorés, les prophètes et les messagers. Allah les a honorés avec la révélation et il les a élus par la prophétie et le message. Wa ulul azmi minhum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام. Et أولو العزم, ceux parmi eux qui sont dotés d'une résolution ferme, ils sont au nombre de 5. C'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad عليهم الصلاة والسلام. وخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. Et le meilleur d'entre tous et leur maître, c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم, qui est le dernier des prophètes. Il n'y a plus de prophète après lui. ولا يعبد الله بعدما بعثه إلا بالشريعة التي أوحاها إليه وَهِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Et Allah ne peut être adoré après son envoi, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah ne peut être adoré si ce n'est avec la législation qui lui a été révélée, et c'est la religion de l'islam. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ دِينًا مِنَ الْأَدْيَانِ الْمَوْجُودَةِ الْيَوْمِ دين معتبر عند الله كاليهودية أو النصرانية أو غيرها فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Et celui qui viendrait à prétendre qu'il y a une religion parmi les religions existantes, qu'une de ces religions, elle est reconnue, qu'elle est acceptée, agréée auprès d'Allah, comme le judaïsme, le christianisme ou toute autre religion, alors en agissant ainsi, en prétendant cela, il devient mécréant. Et il devra se repentir de cette chose-là, soit il se repent, ou soit dans l'islam, dans la religion islam, sa sentence, c'est la peine de mort. Murtadden, comme apostat, il a quitté l'islam en reniant un des principes fondamentaux de l'islam, que la religion acceptée, agréée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est bien l'islam, et c'est la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute autre législation antérieure n'est plus acceptée, elle a été abrogée. لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ car il vient à démentir Allah tabaraka wa ta'ala حيث يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا car Allah nous dit dans le sens du verset aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Et bien sûr, ces questions de jugement d'une personne quelconque qui aurait commis telle ou telle chose, ça c'est du ressort des autorités, de l'État, des tribunaux représentant l'État. Ce sont eux les organismes, ce sont eux les personnes adéquates qui peuvent juger ces personnes-là, ce n'est pas du ressort de chacun. Khamisan, cinquièmement, al-imanu bil yawm al-akhir, la foi, la croyance au jour dernier. Wa huwa yawm al-qiyamah, et c'est le jour du jugement dernier. Alladhi la yawm ba'dah, ce jour dont il n'y aura pas de jour après. Et c'est pour cela que certains savants pour expliquer, ils disent que notre vie d'ici-bas est comme un jour. Et le jour du jugement dernier, le jour de l'au-delà, c'est le deuxième jour, c'est le lendemain. Comme Allah dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour le lendemain. Donc ce jour dont il n'y aura pas de jour après. حين يبعث الله الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala va ressusciter les gens, donc ils seront vivants pour rester durablement. C'est fini. Mais ils vont rester durablement soit dans la demeure des délices ou dans la demeure du châtiment douloureux. ومما يكون فيه أن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيبعث الله من في القبور. Et parmi ce qu'il y a dans ce jour, c'est qu'Allah ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil, qui va sonner dans le corps, cet instrument qui va sonner avec pour la deuxième fois. Et Allah tabaraka wa ta'ala va ressusciter ceux qui sont dans les tombeaux, va ressusciter les morts. Wa nufikha fi s-sur fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa'idha hum qiyamun yanzurun. Dans le sens du verset, et on soufflera sur le corps, et tous ceux qu'il y a dans les cieux et la terre seront foudroyés détruit, sauf ce qu'Allah a voulu. Puis on y soufflera une nouvelle fois, une deuxième fois, et les voilà debout qui regardent. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Le jour où les gens sortiront de leur tombe pour être debout face à leur Seigneur, le Seigneur des mondes. Ils seront pieds nus, sans chaussures, sans sandales, nus, sans aucun vêtement, et ils ne seront pas circoncis, incirconcis. Comme Allah dit dans le sens du verset, comme nous les avons créés auparavant, nous les ferons revenir comme ils ont été créés au début. Car c'est nous qui le ferons. وَيُعْطَ النَّاسِ. Et certainement nous le ferons. وَيُعْطَ النَّاسُ صَحَائِفُ أَعْمَالِهِمْ إِمَّا بِالْيَمِينِ وَإِمَّا بِالشِّمَالِ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ. Et les gens recevront leur registre, leur livre, où tout est inscrit dedans. Soit ils le recevront dans leur main droite, ou alors dans la main gauche, cachée derrière le dos. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Dans le sens du verset, ceux à qui on va donner le livre dans leur main droite, ils auront un jugement simple, facile, et pourront retourner joyeux vers leur famille. Et ceux qui recevront leur livre derrière le dos, ceux-là vont invoquer contre leur propre personne, vont invoquer le mal et la perdition contre leur propre personne, et ils seront jetés dans le feu ardent. وتوضع الموازين يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Et les balances seront posées. Personne ne sera lésé. Aucune injustice ne sera faite à l'encontre de quiconque. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تنفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. Dans le sens du verset, Allah nous dit, ceux qui auront la balance lourde, ceux-là seront les gagnants. Et ceux dont la balance sera légère, voilà ceux qui se sont perdus eux-mêmes, qui ont perdu leur propre personne dans le feu de l'enfer, éternellement, le feu viendra à brûler leur visage et ils auront les lèvres éclatées, craquées, qu'Allah nous préserve de tout mal, qu'Allah nous préserve de son châtiment. وَيَأْذَنُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَشْفَعَ الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى وَهِيَ خَاصَةٌ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ. Et Allah تبارك وتعالى permettra à Muhammad صلى الله عليه وسلم d'intercéder la grande intercession qui est propre à notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Parmi tous ceux qui seront là ce jour-là, présents, personne ne sera absent. Tout le monde sera là. C'est le seul qui aura cette intercession spéciale qui est la grande intercession réservée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fayas'alu rabbah an yaqdiya bayna ibadihi وأن يريحهم من هول الموقف وكرباته. Et donc le prophète sallam va demander à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de mettre un terme de ce jour qui est long. L'attente, elle est longue. Il fait très chaud. Les gens, certains sont noyés dans leur sueur. Les gens sont dans une peur de ce qui va leur arriver. Et ce moment, il est tellement lourd, douloureux et long. Le prophète sallam va intercéder à ce moment-là, la grande intercession, de demander à Allah de mettre un terme à cette attente pour venir en aide à ces gens qui veulent que le jugement soit donné. وَيَأْذَنُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ صَالِحِ عِبَادِهِ أَنْ يَشْفَعُوا فِي مَنْ دَخَلَ النَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا. Et Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à certains parmi les pieux, des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'intercéder pour ceux qu'ils veulent parmi les croyants qui sont entrés dans le feu de l'enfer et ils en sortiront. ويخرج منها أقواما من المؤمنين بغير شفاعة. Et Allah tabaraka wa ta'ala va même faire sortir des personnes parmi les croyants du feu de l'enfer sans aucune intercession de quiconque. بل ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في عرصات القيامة. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin le jour du jugement dernier. Dans cette grande place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un bassin qui s'appelle al-hawd. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa atyabu min rih al-misk. Sa blancheur est bien plus intense que le lait. Son goût est bien plus sucré que le miel et son odeur bien plus bonne, une meilleure odeur que celle du musc. Sa longueur est d'un mois et sa largeur elle est d'un mois. الذين لم يحدثوا بعده في الدين من شرب منه لم يظم بعدها أبدا. Et ces ustensiles sont au nombre des étoiles dans le ciel, en beauté et en nombre. Les croyants viendront vers ce bassin, les croyants parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas innové dans la religion. Ceux qui n'ont pas innové dans la religion, n'ont rien rajouté dans la religion du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra des gens s'approcher de lui, mais les anges vont se mettre sur leur chemin pour les faire reculer et les éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va dire « ma communauté ». On lui dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi, ce qu'ils ont innové après toi. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, loin de moi, loin de moi. C'est-à-dire, éloignez-les. Suhqan, suhqan. Donc ça, c'est réservé à ceux parmi sa communauté qui n'ont pas innové dans la religion. Celui qui boit de ce bassin ne sera plus jamais assoiffé. Ne goûtera plus, ne connaîtra plus la soif. Et il y aura tellement d'ustensiles que chacun pourra boire avec un ustensile. Contrairement à certains qui ont mal compris et qui expliquent mal le hadith. Et vous les entendez dans les du'as dire, demandez à Allah, fais qu'on puisse tous boire de la main bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait donner à boire à chacun de sa communauté. Non, ils viendront et chacun prendra un ustensile pour pouvoir boire. وينصب الصراط على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم يمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر أشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم. Et on suspendra cette passerelle qu'on appelle As-Sirat au-dessus du feu de l'enfer. Il faut la traverser pour atteindre le paradis. Et chacun selon les œuvres accomplies dans ce bas monde. Plus la personne était proche d'Allah, plus elle pratiquait convenablement sa religion, plus elle était pieuse et plus il ira vite pour traverser cette passerelle ou ce pont. Certains iront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un cavalier, à la vitesse de celui qui court vite, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est debout au bout de cette passerelle, de ce pont, de ce sirat, en disant « Oh Allah, sauve, sauve !» Il invoque pour sa communauté. Hatta ta'jiza a'mal al-ibad fayati man yashuf. Jusqu'à que certains, par manque d'œuvres et d'actions, viendront difficilement à traverser As-Sirat, ils viendront en rampant à quatre pattes. Wa fi hafati as-sirat kalalib mu'allaqa ma'mura ta'khudhu man umirat bih fa makhdush ناجٍ ومكردس في النار. Et sur les deux côtés du sirat, il y a comme des pinces, qui viennent attraper ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'elles attrapent. Certains, elle ne les attrapera pas, mais elle va les griffer, elle va leur laisser des traces sur le corps. Ils seront sauvés à la fin, mais ils vont goûter à ce mal, qu'Allah nous en préserve. Et d'autres se feront attraper et jeter dans le feu de l'enfer, ils ne pourront pas atteindre le bout. وَمُنْتَهَا النَّاسِ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. Et la finalité des gens, à la fin de tout cela, les gens soit ils finiront au paradis, ou soit ils finiront dans le feu de l'enfer. أما الجنة فهي دار النعيم أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et en concernant le paradis, c'est la demeure des délices préparée par Allah تبارك وتعالى pour les croyants pieux. Il s'y trouve dans ce paradis ce qu'aucun œil n'a pu voir, aucune oreille n'a pu entendre, aucune chose n'a pu traverser l'esprit de la personne. On ne peut même pas se l'imaginer, ce qu'Allah nous a préparé dans le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. N'ayez pas peur de dire amin, subhanallah. Il faut avoir de l'espoir en Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah aime qu'on ait une bonne pensée de lui, subhanahu wa ta'ala. Et voilà l'état du bon croyant. وَأَمَّا النَّارُ فَهِيَ دَارُ الْعَذَابِ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لَا يَخْطُرْ عَلَى الْبَالِ. Et concernant le feu de l'enfer, c'est la demeure du châtiment et de la punition qu'Allah a préparé pour les mécréants, les injustes. Ils s'y trouvent comme châtiment, ils s'y trouvent comme punition, ce que personne ne peut s'imaginer. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu bima yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Voilà le feu qui est réservé aux injustes. Et s'ils viennent chercher secours, demander à boire, il leur sera donné comme eau. l'eau bouillante, de pleine de feu, et quelle mauvaise boisson. Subhanallah, ça viendra à brûler leur corps, leurs intestins, leur intérieur, qu'Allah nous préserve de tout cela. وهما موجودتان الآن وباقيتان أبدا. Et ces deux créations, le paradis et l'enfer, existent déjà et elles resteront à jamais. ونؤمن بفتنة القبر. Et nous croyons au trouble et à l'épreuve, plutôt à l'épreuve de la tombe. Et c'est les questions. Quelle est l'épreuve de la tombe? Ce sont les questions qui lui seront posées dans la tombe. عن ربه ودينه ونبيه. Il sera questionné sur son Seigneur, sa religion et son prophète. فأما المؤمن فيثبته الله. Le croyant, Allah tabaraka wa ta'ala va le raffermir, va l'aider à pouvoir répondre convenablement. فيقول ربي الله ودين الإسلام ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. Donc il va répondre, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et il va témoigner et attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le serviteur et adorateur d'Allah et son messager. Wa amma ghayrul mu'min. Mais de l'autre côté, le non-croyant, le mécréant, fayaqul ha ha la adri. Il saura dire que cela. Ha ha la adri. Je ne sais pas. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah va raffermir ceux qui ont cru par la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه. Et nous croyons au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe. فالقبر لصاحبه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. Et donc la tombe, pour celui qui demeure, pour celui qui habite, pour l'habitant de la tombe, celui qui est enterré dedans, pour lui c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Saint-Dicen, sixièmement. Al-Iman bil-Qadr. La foi au destin. يؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى لكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. Et les adeptes de la sunna croient au destin bon et mauvais. Et c'est ce qu'Allah a prédestiné à toute chose existante selon ce qui a précédé dans sa science et comme il a voulu de par sa sagesse. Walil qadar arba'a maratib. Et le qadar, le destin, entre dedans quatre étapes, comporte quatre étapes. Al-martabatul oula, la première étape, al-ilm, la science. Fanu'min bi anna Allah ta'ala bi kulli shay'in 'alim. Nous avons la conviction, la certitude, la foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait tout. Rien n'échappe à Allah azza wa jal, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, de ce qui est caché, de ce qui ne l'est pas, rien n'échappe à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui a été prédestiné, Allah le sait subhanahu wa ta'ala. Al-martabatu thaniya, la deuxième étape, al-kitab, l'écriture. Fanu'min بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. Nous avons la foi, la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala écrit dans les tablettes bien préservées, bien gardées, tout ce qui viendra à exister jusqu'au jour du jugement dernier. Tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-martabatu thalitha, la troisième étape, al-mashi'a, la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rien n'arrive si ce n'est une chose qui a été voulue par Allah tabaraka wa ta'ala. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض. Nous avons la conviction, la croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bien voulu tout ce qu'il y a, tout ce qui est existant ou qui a existé dans les cieux et la terre. لا يكون شيء إلا بمشيئته. Rien ne peut avoir lieu si ce n'est pas la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'Allah veut aura lieu, ce qu'Allah ne veut pas n'aura pas lieu. Et les humains, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné une volonté et ils décident de faire ou de ne pas faire. Mais leur volonté, elle entre dans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Et vous ne pourrez vouloir si ce n'est ce qu'Allah a voulu. Donc elle dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a une volonté qu'on appelle universelle. Et dedans entre tout ce qui peut exister. Allah l'a voulu. Mais dans ce qu'Allah a voulu, il y a ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas, subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a la volonté religieuse. Et là, ceci ne concerne que ce qu'Allah veut parmi les choses qu'il agrée et il aime, subhanahu wa ta'ala. Un tel, il est croyant, Allah a voulu qu'il soit croyant. Que ce soit la volonté universelle ou la volonté religieuse. Parce qu'Allah aime que la personne soit croyant. Un tel, il est mécréant, Allah a voulu qu'il soit mécréant. Mais c'est la volonté universelle, mais ce n'est pas la volonté religieuse, car Allah n'aime pas qu'on ne croit pas en lui. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ. La quatrième étape, الْخَلْقُ, la création. Donc Allah a su, Allah l'a écrit, Allah l'a voulu, Allah tabaraka wa ta'ala le crée, lui donne existence. الْخَلْقُ. فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. الله هو الكرياتور de toutes choses et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. هذا ولا حجة في القدر للعاصي على معصيته. Ceci dit, le pécheur, le désobéissant, celui qui agit en mal, n'a aucune excuse auprès d'Allah. Et ça ne sert à rien d'aller se cacher derrière le destin. Si je suis ainsi, c'est à cause du destin. C'est qu'Allah l'a voulu. Ça, c'est une excuse qui est refusée et qui est rejetée. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ قَدْ أَعْطَى الْعَبْدَ عَقْلًا يَفْهَمُ بِهِ مَا أُمِرَ بِهِ. Car Allah a donné au serviteur une raison. Et cela, vous comprenez que le fou, celui qui n'a plus sa raison, n'est pas responsable de ses actes. Mais celui qui a sa raison lui permet d'avoir le discernement et de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et d'avoir le choix. Donc, Allah lui a donné, il l'a doté d'une raison avec laquelle il va comprendre ce qui lui a été ordonné de faire et ce qui lui a été interdit. وَأَعْطَاهُ إِرَادَةً وَاخْتِيَارًا. Et il lui a aussi donné le fait de choisir et une volonté. وَلِذَا هُوَ فِي حَيَاتِهِ يَقْدُمُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ وَيَجْتَنِبُ مَا يَضُرُّهُ. Et c'est pour cela que cette personne, dans sa vie, il va vers les choses qui lui sont utiles, qui lui sont bénéfiques. Et il s'éloigne de ce qui lui est nuisible. Et il n'a pas connaissance du destin. Personne ne peut dire, j'ai eu accès aux tablettes préservé. Et j'ai pu regarder ce qui est écrit sur moi. Donc comment il peut se cacher derrière cette phrase alors qu'il n'a jamais eu accès aux tablettes préservées? Il ne sait pas ce qui est écrit dedans. وغيب عنه القدر فالعاصي يقدم على المعصية وقد علم أنها معصية وأنه منهي عنها. Donc le désobéissant, il va vers cette désobéissance, il va vers ce péché en sachant que c'est une désobéissance, en sachant que c'est un péché et que cela est interdit. يفعلها بإرادته واختياره. Il le fait de sa propre volonté. Et c'est son choix. وهو لا يعلم أن الله قد كتب عليه هذه المعصية. Et lui à ce moment-là ne sait pas qu'Allah lui a écrit qu'il va commettre ce péché. فكيف يحتج بما لا علم له به. Comment peut-il donc se servir comme argument d'une chose qui n'en a pas connaissance? ثم هذا العاصي لو اعتدى عليه معتدي فلطمه ثم اعتذر المعتدي بالقدر لما قبل منه. Cette personne qui parle ainsi, lui-même, ce désobéissant, ce pécheur, si quelqu'un vient s'attaquer à lui, lui met une gifle, le frappe, puis cette personne qui l'a attaqué lui dit: excuse-moi, c'est pas de ma faute, ça m'a été prédestiné, c'était écrit que je devais te le faire. Il se sert comme argument du destin. Il n'acceptera pas ça. Donc lui, il se sert d'un argument qu'il n'acceptera pas que quelqu'un d'autre le fasse. فكيف يفعل المعصية ويعتذر بالقدر. Comment donc il tombe dans le péché, puis il essaie de se cacher derrière le destin. إن المقادير إنما يعتذر بها ويلجأ إليها في المصائب لا في المعائب. Tout ce qui est prédestiné, on peut chercher comme excuse dans les choses qui nous arrivent, les calamités, les épreuves, les troubles qui nous touchent, les problèmes qui nous arrivent, dont on n'en est pas responsable, mais pas dans les choses, les mauvaises actions qu'on a commises. فاعملوا رحمكم الله بعمل اهل الجنه واثبتوا عليه. كالله فاس كليمونس. Agissez avec les actions des habitants du paradis et soyez fermes là-dedans. وجانبوا عمل اهل النار. Et éloignez-vous des œuvres des habitants de l'enfer. حتى تلقوا ربكم على الايمان والعمل الصالح. Jusqu'à rencontrer votre Seigneur avec la foi et les bonnes œuvres, les bonnes actions. فتكونوا من أهل الجنة بفضل الله ورحمته. Et là vous serez du nombre des habitants du paradis par la bonté d'Allah et sa miséricorde. سابعا septièmement عقيدة أهل السنة في الصحابة. La croyance des adeptes de la Sunna concernant les compagnons radiyallahu anhum. Ahlu sunnati wal jama'a yuhibbuna ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kullahum. Les adeptes de la sunna aiment tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khulafa'uhu wa azwajuhu. Que ce soit les califs venus après lui, les califs bien guidés après lui, ou ses épouses. Wa sa'iru ashabihi. Et tous les autres compagnons. Yashhaduna bi'adalatihim. ويتولونهم ويتردون عليهم ويعتقدون أن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Ils témoignent de la droiture et de la dignité et de l'honneur de tous les compagnons. Ils les prennent comme alliés et ils implorent Allah de les agréer et d'être satisfaits d'eux. Ils ont la conviction, la croyance que le meilleur d'entre eux est le plus en droit de prendre le pouvoir le califat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Wa ma jara bayna as-sahabati min al-fitan faqad sadara an ta'wilin minhum ijtahadu fih فهم بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. Et aussi, ce qui a pu se passer entre eux comme trouble et discorde, ceci n'est arrivé que par une interprétation de leur part. Ils ont fait l'effort d'atteindre la bonne réponse et la bonne solution là-dedans. Donc ils sont entre celui qui a eu raison, qui a eu la bonne réponse, et il aura deux récompenses. Et celui qui s'est trompé, qui a commis l'erreur, et il est quand même, pour cet effort, récompensé d'une seule récompense, et son erreur est pardonnée. « Wa yara ahlu sunnati wal jama'a annahu yajibu al-kaffu an masawihim fala yudhkaruna illa bima yastahiqquna min al-thana'i al-jamil » Et les adeptes de la sunna voient aussi qu'il est un devoir de se taire, de garder le silence sur les troubles et problèmes qui auraient pu avoir lieu entre eux. On ne parle des compagnons qu'en les citant en bien, car ils ont le droit de recevoir les bons éloges. وَأَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Et on se doit de purifier, de nettoyer nos cœurs de toute rancœur, de toute haine, de tout mauvais soupçon à l'encontre de l'un d'entre eux. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et ils sont comme Allah تبارك وتعالى a dit, et ce, dans le sens du verset, et ceux qui viennent après eux, après les compagnons radiallahu anhum, ils disent: ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs à l'encontre d'eux, à l'encontre de ceux qui ont cru, ô notre Seigneur, car tu es le compatissant et tu es le miséricordieux. Famine 8e, aqidatu salaf fil iman wa qawluhum fi murtakib al-kabira. La croyance, le dogme des pieux prédécesseurs sur le domaine de la foi, la signification de la foi et leur position face à celui qui commet les grands péchés. Ya'taqidu ahlus sunnati wal jama'a anna al-iman i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan wa annahu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Les adeptes de la sunna ont la foi, la croyance et la conviction que la foi est une conviction, est une croyance dans le cœur, une parole par la langue et une mise en pratique par les membres du corps et une pratique des piliers de la religion. La foi augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Wa anna murtakib al-kabira كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا إذا فعل الكبيرة دون استحلال فإنه لا يكفر بكبيرته. Et que celui qui commet le grand péché, comme consommer du vin, de l'alcool, forniquer, voler, s'adonner aux intérêts, l'usure, s'il fait ces grands péchés sans se l'autoriser, sans dire que cela est permis, alors par cette action commise, il ne s'en sortira pas de la religion, il ne mécroira pas. Walakin yanqusu imanuhu. Donc, mais sa foi, elle va diminuer. Fa huwa mu'minun naqisul iman. C'est un croyant qui a une foi qui a baissé, une foi qui a faibli. 9e, يؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء. Les adeptes de la sunna ont la croyance et la foi, la conviction que les saints, les serviteurs d'Allah pieux, les proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont droit aussi d'avoir certains miracles. Bien sûr, ce n'est pas des miracles au stade de ceux des prophètes, mais ils ont aussi des miracles. Ce n'est pas parce que des gens exagèrent dans un sujet que ce sujet n'existe pas dans la religion. Ça, c'est l'erreur commise à cause de l'ignorance. Lorsqu'on ne sait pas, on ne parle pas. Des gens veulent répondre à tout le monde alors qu'ils n'ont pas la science. Celui qui n'a pas une âme ne peut pas combattre. Celui qui ne possède pas ne peut pas donner. Subhanallah. Donc, ce n'est pas parce que des gens font des choses, disent des choses qui sont contraires à la droiture, à la religion, que tout le sujet est faux. Le fait que des gens font des choses abominables dans la visite des tombes ne veut pas dire qu'il est interdit de visiter les tombes. Il y a la manière légiférée de visiter les tombes. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas parce que des gens ont de l'excès, l'exagération dans les éloges du prophète sallam qu'on n'a pas le droit de faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam. De même, des gens pieux, Allah tabaraka peut leur accorder des miracles, des choses surnaturelles. Ça peut arriver. Et ça, c'est dans les livres de croyance. Seulement, beaucoup entendent ces sujets-là chez les soufis, des histoires à dormir debout, inventées, des choses qui sont contraires à la droiture, et ils s'en servent d'une manière qui n'est pas légiférée pour prouver quoi que ce soit, alors que ce n'est pas un moyen pour prouver quoi que ce soit, et ils en arrivent ces gens-là à dire quoi, ça n'existe pas. Cette parole-là, tu as voulu qu'on montre un mal, mais tu es tombé aussi dans un mal. Et parfois certains, en combattant et en voulant repousser un mal, commettent un mal bien plus grand. Il faut faire attention. Lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne s'aventure pas. On ne connaît pas, on demande. Surtout si, à cause de toi, on va s'attaquer à la sunna. À cause de toi, on va s'attaquer aux gens qui s'efforcent d'appliquer la tradition prophétique. Et combien cela arrive. Donc ne sois pas la personne par laquelle on passe pour s'attaquer. On ne donne pas le bâton pour se faire taper dessus avec. Subhanallah. Donc il faut faire attention. Donc les gens, les adeptes de la sunna, ont cette conviction qu'il y a des gens pieux à qui Allah accorde des miracles. وَهِيَ مَا يَجْرِيهِ اللَّهُ عَلَى أَيْدِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ الْأُمُورِ غَيْرِ الْمَأْلُوفَةِ. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à des pieux, parmi ses serviteurs, des choses qui sont surnaturelles, qui n'ont pas l'habitude de voir. Al-wali huwa al-mu'min al-taqi. Et al-wali, c'est qui? C'est le croyant pieux. Comme a dit ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wa min al-karamat al-thabita. Et parmi ces miracles reconnus authentiquement, حمل مريم بعيسى عليه السلام دون زوج. مريم c'est une femme vertueuse, une pieuse parmi les pieux. Et parmi les miracles qu'elle a eu, c'est quoi? C'est d'être tombée enceinte de Jésus, عيسى عليه السلام, sans qu'aucun homme ne l'ait touché. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Une femme, pour tomber enceinte, il faut qu'elle ait des relations avec un homme. Allah tabaraka ta'ala a émis des règles et des lois dans sa création et dans sa nature. Et elle, sans qu'aucun homme ne l'approche, elle tombe enceinte. Et elle va mettre au monde Isa alayhi salam. Ça, c'est un miracle. وَنَوْمُ أَهْلِ الْكَهْفِ مُدَّةَ 300 عَامٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. De même que le sommeil des gens de la caverne, plus de 300 ans. Ils ont dormi. C'est quelque chose de surnaturel. Vous avez l'habitude d'entendre quelqu'un dormi 300 ans? Non. Donc ces jeunes qui se sont abrités dans la grotte, fuyant les gens de l'idolâtrie et du polythéisme, Allah tabaraka wa ta'ala leur a octroyé ce miracle. Et de se réveiller 300 ans plus tard. Et plein d'autres récits qu'on retrouve authentiquement dans le Coran et la Sunna. Wa min al-nas man yunkiruha kal-mu'tazila wa amthalihim. Et parmi les gens, il y en a qui les renient, qui les rejettent complètement. Comme la secte des Mu'tazila et leurs semblables. Wa minhum man yaghlu fi ithbatiha kas-sufiyya wa al-qaburiyya. Et de l'autre côté, l'autre extrême, ceux qui ont de l'excès dedans, et ils en font de trop dedans, comme on retrouve cela chez les soufis et ceux, les adorateurs des tombes. Alladhina yudajjiluna 'ala an-nas. Ceux qui viennent à ramener des grands mensonges aux gens, ils mentent aux gens. Ad-dajjal, d'où le nom de Dajjal, c'est le mensonge. Et on l'appelle Dajjal parce qu'il ment beaucoup dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte. كالدخول في النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين. Hein, comme ils disent, vous allez voir, on va rentrer dans le feu. Ils se frappent avec des armes, des épées, des pointes, des flèches ou autre arme. Et les gens les regardent et en pensant que c'est des miracles. Et aussi, ils s'adonnent aux serpents. Ils font des choses avec les serpents. Et donc, et avec cela, pour faire croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs, et ainsi de suite, wal'iyadu billah. Ce n'est pas le but des miracles. Et celui, l'homme pieux, ne sait pas ce qui va lui arriver. Le miracle, il le voit arriver. Lui, ne le sait pas. Et ces gens-là viennent nous dire, vous allez voir, je vais te montrer ça, je vais te faire ça. Non, ce n'est pas possible. Car le miracle, il vient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et la personne ne le sait pas, ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas le rêve. Il ne sait pas. Comment il va être sauvé, ce qu'il va être donné. Mais une fois arrivé, il ne sait ce qu'il a eu. Et d'autres choses qu'ils prétendent que cela provient de la bénédiction de leur chemin entrepris, de leur secte. Wa dalil 'ala wilayati shaykhihim alladhi yu'azzimunahu wa ya'taqiduna fihi. Et aussi, ils ramènent cela comme argument et comme preuve que leur chef est un wali. Là, mais ce n'est pas la même définition hein, du terme wali. Allah nous dit c'est qui le wali. Eux, ils ont inventé une définition pour le magnifier hein, et qu'ils aient une croyance en lui. Wal'iyadu billah. Ashiran, dixièmement, ya'taqidu ahlu sunnati wa jama'a wujub al-sam' wa ta'a li wali al-amr fil ma'ruf. Les adeptes de la sunna, ils ont la conviction, la croyance, la foi de l'obligation d'écouter, d'obéir aux autorités, aux gouvernants, tant que ce qu'ils demandent de faire est dans le permis. Ce n'est pas une chose qui est interdite. En agissant ainsi, ils voient en cette action-là un acte religieux. Et un moyen de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne recherche rien d'autre. Je le fais parce qu'Allah m'a demandé de le faire. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a demandé de le faire. Que celui qui a autorité et pouvoir, tant que ce qu'il me demande n'est pas interdit, c'est quelque chose de permis, je me dois de l'écouter et de lui obéir. Ça, c'est un devoir religieux. Wa injaru wa zalamu wa stakfaru. Même si cette personne commet du mal, il est injuste, oppresseur, il fait du mal, il profite de sa position pour s'accaparer des choses de ce bas monde, c'est du mal qu'il fait. Ça, c'est lui qui fait ce mal-là, mais moi, dans ce qui me concerne, tant que c'est lui qui est là et qui gouverne et qui a l'autorité, je me dois écouter obéissance. Ce n'est pas sa désobéissance à lui qui me pousse à être désobéissant. Enfin, une parenthèse. Dans un cours, un homme, dans une mosquée, et ils ont dit, oui, les vieux veulent que tu viennes, mais pas de politique. On leur a dit que toi, tu ne rentres pas dans ces domaines-là. Donc, on fait notre cours, alhamdoulilah, dans le tawhid. Quand on a terminé, il y a un vieux qui a voulu demander. Je lui ai dit, oui. Je ne m'attendais pas à cette question. Il dit, est-ce qu'on doit obéissance au gouvernement? Elle dit, je croyais qu'il ne fallait pas parler de politique. Subhanallah. Donc, je lui ai dit, bien sûr. Il a dit, même s'il est injuste, où est-ce qu'ils vont en arriver? Subhanallah. C'est rare de voir en plus un vieux poser ce genre de questions. Je lui ai dit, dis-moi. Essaye de lui répondre une réponse qu'il va comprendre. Un papa, s'il est injuste, s'il est mauvais, s'il est pécheur, ses enfants, ils lui doivent obéissance ou pas? Ah, la silence. Ose dire que ses enfants ne lui doivent pas obéissance. Parce que lui-même, il sait qu'il a des enfants. Et certains reprochent à leurs enfants d'être désobéissants. Et ce sont les êtres humains, ces vieux. Eux aussi, ils ont leur part d'erreur et de péché et de manquement. Donc, est-ce que cela permet à l'enfant d'être désobéissant envers lui? La hawla la quwwata illa billah. Le fikr des ikhwan a pollué beaucoup de maisons. Qu'Allah nous en préserve. لا يسبون أولي الأمر ولا يطعنون فيهم ولا يغشونهم ولا يؤلبون عليهم ولا يخرجون عليهم بقلب ولا لسان ولا سيف. Ils n'insultent pas les autorités. Ils ne sont pas grossiers envers eux. Ils ne les trahissent pas. Ils ne leur mentent pas. Ils ne montent pas les gens contre eux. Et ils ne se soulèvent pas contre eux, que ce soit du cœur, de la langue, ou par les mains, ou par les armes. Non, parce que c'est une conviction, une croyance. Le musulman est quelqu'un d'honnête, et quelqu'un de véridique. Ce qu'il fait voir est en conformité avec ce qu'il y a dans son fort intérieur. Il n'a pas d'intérêt mondain, c'est une religion. Et on ne joue pas avec la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que tu sois content, pas content, que ce soit facile ou difficile, ça, c'est un sujet. Mais le prophète Hassan a dit, l'écoute et l'obéissance, c'est quand tu en es content et quand tu ne l'es pas. Quand c'est facile et quand c'est difficile. Si c'est facile et la personne est contente, la question ne se pose même pas. Subhanallah. Mais dans tout état, la personne, voilà. Ça, c'est en même temps pour le bien général. Pour le bien général et en règle générale, faire le contraire de cet enseignement, il en découle que du mal et un plus grand mal. Comme certains savants disent, certains parents, ils allument la télé, ils regardent les infos, ils insultent le roi, le président, le ministre, à tort ou à raison, mais ils n'ont pas à le faire devant les enfants, du matin au soir. Et puis un jour, il se plaint à la police, mon fils, il a rejoint telle secte ou telle secte parmi les khawarij. T'es marrant toi? Ton enfant, toute sa vie, il a entendu que les gouvernants étaient mauvais. Et tu as toutes les sortes d'insultes. Bah, le jour où il a trouvé les khawarij, il a trouvé le même sujet. Subhanallah. Et tu te plains. Tu ne sais pas que c'est toi qui as construit ça en ton enfant. Wallahu al-musta'an. Et c'est pour cela que Al-Qa'adiyya, hein, ces prêcheurs qui ne sortent pas, ne se soulèvent pas, mais le font avec la langue, en légitimant ces soulèvements, ces manifestations et toutes sortes de mal, mais ils ne le font pas. Certains disent, mais lui, il ne s'est pas soulevé, il n'a pas porté les armes. Et à la main, on dit, celui-là, il est pire. Car ceux qui se sont soulevés et qui l'ont fait, n'ont fait que ce qu'ils disaient auparavant. Avant de faire, c'est une croyance, une conviction. Les gens ont parlé. Et il en a découlé sept ce soulèvement. Donc ceux-là sont pires. Et il les appelle Al-Khawaj, Al-Qa'adiyya, ceux qui sont assis. Hein? Ils poussent les autres, c'est grave. Tout ça est grave. Mais quand vous voyez des agissements de traîtres, en vérité, certains prêcheurs en train de pousser les enfants des autres à aller agir, leurs propres enfants, ils ne le font pas. Subhanallah. Même parmi leurs enfants, il y en a qui se plaignent de leur père. Et ce sont soi-disant des pères connus dans le prêche. Ils en ont marre de ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Ils crient, ils crient, ils crient, ils ne sortent pas. Va, fais ce que tu dis, au lieu d'envoyer les autres. Ses propres enfants, il fait tout pour pas qu'ils y aillent. Il fait tout le contraire de ce qu'il fait. Comment on peut avoir pensé du bien de cette personne? Wal'iyadhu billah. Encore les khawarij, qui étaient des égarés dans les premiers temps, mais ils faisaient preuve de sincérité dans leur égarement. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. بل ينصحون لهم ويتعاونون معهم على البر والتقوى. Mais plutôt, ils les conseillent et ils s'entraident avec eux dans le bien et la piété. Puis le cheikh termine par quelques paroles sur le bon comportement que chaque musulman, et surtout le sunna, se doit d'adopter, comme d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de conseiller, d'être un bon conseiller, d'être véridique, d'avoir du courage, de la générosité, de venir secourir celui qui est dans le besoin du secours et de l'aide, d'avoir un visage radieux, de sourire face à ton frère, le respect, l'obéissance des parents, de lier et de préserver les liens de parenté, le bon voisinage, d'être juste avec celui qui est avec toi, comme avec celui qui est contre toi. Et ils mettent en garde et ils préviennent contre les mauvais comportements comme le mensonge, comme d'être avare, comme le fait de couper les liens de sang, de parenté, d'être vulgaire, injurieux, d'avoir une mauvaise langue et toute forme de péché comme s'adonner à l'usure et les intérêts, la fornication, la consommation du vin et de l'alcool, que la femme elle sorte découverte, la mixité, ou de gagner sa vie d'une manière interdite, d'une manière qui n'est pas permise dans la religion, et plein d'autres formes de péché. Qu'Allah fasse de nous des gens qui appliquons ce que nous entendons, qu'il fasse de nous des musulmans corrects, sincères, véridiques, qui ont la foi et qui la mettent en pratique, qui nous raffermissent sur le droit chemin jusqu'à le rencontrer en le trouvant satisfait de nous et qui nous fasse parmi les habitants du paradis. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.